Chapitre 281. L'interdiction à deux personnes de parler en secret ou dans une langue étrangère en présence d'une troisième, sauf avec sa permission ou en cas de besoin. Allah Ta'ala dit: la conversation secrète n'est que l'œuvre du diable. Sourate 58, verset 10. 1598. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: si trois personnes se trouvent ensemble, que deux d'entre elles ne parlent pas en aparté en présence de la troisième. Al-Bukhari et Muslim. Dans sa version, Abu Daoud ajouta qu'Abu Saleh demanda à Ibn Omar: et s'il y a quatre personnes? Il répondit: alors il n'y a aucun mal. L'imam Malik le rapporte également dans Al-Muwatta d'après Abdullah ibn Dinar qui a dit: Ibn Omar et moi nous trouvions dans la maison de Khalid ibn Uqba située dans le marché. Un homme vint alors et demanda à s'adresser à Ibn Omar en privé. Or il n'y avait personne d'autre que moi. Ibn Omar appela alors un autre homme de façon à ce que nous soyons quatre. Puis il me dit ainsi qu'à l'homme qu'il avait convié: éloignez-vous quelque peu. Puis il ajouta: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire que deux personnes ne s'entretiennent pas en aparté en présence d'une troisième. 1599. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: que deux personnes ne s'entretiennent pas en aparté en présence d'une troisième qui pourrait se sentir vexée, mais elles doivent attendre que d'autres personnes les rejoignent. Al-Bukhari et Muslim.